Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la Nouvelle-Orléans au 19e siècle, première ville française d'Amérique. Ça me fâche beaucoup quand du monde vient en Louisiane et ça dit « Oh, there's no French in Louisiana, c'est du folklore ». Well, faut garder l'histoire, faut garder les problèmes. On était très menacés en Louisiane. Et n'oubliez pas, on est un part de l'États-Unis aussi. Ça fait l'assimilation, la télévision, l'industrie pétrole, toutes ces influences, ça travaillait contre nous autres. Vivre en français aujourd'hui en Louisiane est un combat quotidien. En 2000, moins de 5 % des Louisianais parlaient français à la maison. Pourtant, au 19e siècle, la Nouvelle-Orléans était la plus importante ville française d'Amérique. On peut donc assez facilement comprendre la colère de Warren Perrin, qu'on vient d'entendre au micro de Daniel René en 2000, face aux ravages de l'assimilation, mais aussi face à l'oubli du riche héritage français de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans dans un passé pas si lointain. Enfin, la Louisiane, c'est très spécial parce que c'est vraiment le melting pot. La communauté cajienne du sud-ouest de la Louisiane a toujours assimilé d'autres ethnies. C'est pour ça qu'on a des cajiens qui ont des noms irlandais ou même anglais ou espagnol ou allemand. Le chanteur louisianais Zachary Richard à l'émission Raison Passion en 1997 qui parle de cette époque au 19e siècle où les Cajuns assimilaient les nouveaux arrivants en Louisiane. Pour nous raconter cette Louisiane et cette Nouvelle-Orléans du 19e siècle, mon invité est Maryse Bachand, professeure d'histoire américaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Maryse Bachand, bonjour. Bonjour. Ce qu'on oublie, c'est fabuleux parce que dans cette émission, je pense que les auditeurs vont se rendre compte de tout ce qu'on a oublié au fil du temps. La première chose qu'on a oublié, que moi, en tout cas, je n'avais pas réalisé, c'est l'importance qu'a cette ville, la Nouvelle-Orléans, au 19e siècle. C'est une ville importante, riche, prospère. Oui, c'est la cinquième plus importante ville des États-Unis à la veille de la guerre civile. C'est le quatrième port d'exportation au monde, d'où part la moitié de la production cotonnière du sud des esclavagistes américains. C'est aussi là que circulent 20 % des esclaves, le commerce des esclaves internes du pays. C'est donc une ville très, très importante. C'est aussi le deuxième port d'immigration des États-Unis. De grande fortune. Oui, de grande fortune. C'est là qu'on retrouve le plus de milliardaires par capita à l'époque dans la région, la grande région de la vallée du Mississippi et la Nouvelle-Orléans, c'est leur capitale. Donc, c'est vraiment une ville... Aux États-Unis, là, c'est là où il y a le plus de milliardaires. Par capita, oui, dans la vallée du Mississippi. Donc, c'est une région très, très importante, très prospère. Et ça, c'est à la veille de la guerre de Sécession. C'est aussi donc au 19e siècle, cette Nouvelle-Orléans, jusqu'à la moitié du 19e siècle, puis même un peu plus tard, la principale ville francophone d'Amérique, devant Montréal et Québec. Oui, parce qu'à cette époque-là, Montréal et Québec, c'est des villes surtout anglophones qui sont habitées par les colonisateurs. Tandis que la Nouvelle-Orléans, à cette époque-là, a 40 % de francophones. On parle à la veille de 1860, 40 % de francophones, 170 000 habitants, ce qui en fait une ville plus importante en termes de population que nos villes ici au Québec. C'est là où il y a le plus de francophones en Amérique, à la Nouvelle-Orléans. Comment ça s'explique, cette présence du français, cette importance du français en Nouvelle-Orléans et en Louisiane au 19e siècle? On écoute à ce sujet le journaliste Daniel René, suivi de Thomas Klingler de l'Université Tulane à la Nouvelle-Orléans, extrait tiré de la série Histoire de parler, qui a été diffusée en 2000. Contrairement au Canada ou à l'Acadie, la Louisiane a continué à recevoir des immigrants français alors que la France ne possédait plus le territoire. Chaque bouleversement politique en Europe a entraîné sa vague de nouveaux arrivants. Aristocrates de l'Ancien Régime, révolutionnaires soucieux d'éviter la guillotine, anciens soldats de Napoléon, révolutionnaires en 1830, 1848, 1870, les quais de la Nouvelle-Orléans ont vu passer bien des Français. Au début du 19e siècle, lors de la révolution haïtienne, il y a eu une grande vague d'immigrés francophones venus de Saint-Domingue, devenus Haïti par la suite, qui se sont venus se réfugier en France, en Louisiane. Et il y avait au moins entre 9 et 10 000 Saint-Domingueois, si on peut le dire, qui sont arrivés en Louisiane dans les années entre 1809 et 1810, donc c'est une énorme vague d'immigration, dont peut-être un tiers était des Blancs, un tiers des gens de couleur libre et un autre tiers des esclaves. Et on peut supposer qu'au moins tous les esclaves étaient, enfin, pratiquement tous les esclaves étaient créolophones, et probablement une très bonne partie des deux autres groupes étaient créolophones aussi. Et donc la Nouvelle-Orléans et la Louisiane, Maryse Bachan, deviennent vraiment une terre d'accueil des milliers d'immigrants qui parlent français qui vont se retrouver à la Nouvelle-Orléans et en Louisiane au 19e siècle. Oui. Et il faut le dire, la Nouvelle-Orléans est déjà une ville française parce qu'elle a été fondée en 1718 par Bienville, un Canadien qui est sur place. Il y a des Canadiens, des Français qui sont venus coloniser dans l'espoir de faire fortune à cet endroit-là. C'est une colonie qui vivote, mais qui a quand même une richesse culturelle importante au 18e siècle. Ensuite, elle passe aux mains des Espagnols, mais ça demeure une ville francophone. Mmh. Et la population qui est sur place, ce ne sont pas les Cajuns, ce sont les Créoles. Et qui sont les Créoles? En fait, ce sont les descendants de ces colons francophones qui vont s'appeler créoles, comme partout ailleurs dans les Amériques. Ceux qui sont nés au pays, qu'ils soient africains, qu'ils soient blancs, ils s'appellent des créoles. Et ces créoles-là, ils sont très riches, ils sont très bien installés, et surtout à partir des années 1790, ils vont faire de l'argent avec le sucre qui devient une culture très prospère. Et ces gens-là, assez fortunés, vont assimiler dans leur groupe tous ces gens qui viennent de l'extérieur. Il va y avoir des petites luttes entre ces francophones-là, mais globalement, après une génération, ils se reconnaissent entre eux comme étant des francophones de Louisiane. Et comme c'est une ville importante, une ville riche, on l'a vu un peu plus tôt, il y a ce pouvoir d'attraction. On ne vient pas à Montréal ou à Québec au 19e siècle, après le régime français. Les Français dont parlait Daniel Renet quittent la France pour aller en Louisiane. Oui, ben en fait, ils viennent en Amérique. Oui. Ils viennent vivre leur rêve américain, mais ils commencent par la porte d'entrée qui est la plus facile, la plus accessible pour eux, qui est celle de la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans qui compte, dès les débuts, dès 1803, moment de l'achat par les Américains, une population américaine qui vient faire fortune aussi. Tout le monde vient faire fortune. Mm-hmm. Il y a beaucoup d'argent à faire dans cette ville-là, dans cette région très, très prospère, très bonne pour l'agriculture aussi. Et les Français viennent vivre leur rêve américain. Ouais. On commence là. Parfois, on va partir ailleurs. On va s'américaniser plus vite, mais généralement, c'est pour vivre en français. Alors, à quoi ça ressemble, justement, cette vie en français à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle? Bien, la Nouvelle-Orléans, c'est une ville de mélange. Donc, il y a une partie de la ville qui est beaucoup plus française que les autres. Bon, c'est le quartier français, c'est le vieux carré qui a été dessiné au moment de la fondation. Mais il y a aussi d'autres quartiers comme le faubourg Trémé qui est plutôt noir, mais dans lequel on parle français. Le faubourg Marigny, qui était une ancienne plantation reconvertie en développement immobilier, où là aussi on parle français. Il y a des parties de la ville qui sont considérées comme étant les villes américaines, mais où il y a plein de francophones dont on a les lettres qui vivaient dans ces quartiers-là et s'écrivent en français. Donc, de toute évidence, devaient parler français aussi. Donc, un peu partout dans la ville, on entend français. Ça, c'est clair. Puis, il y a une vie culturelle. Il y a des journaux, il y a des écrivains. Oui, absolument. Les écrivains apparaissent... le théâtre, tout le spectacle, les variétés sont très fortes très tôt à la Nouvelle-Orléans. Ça nous vient notamment des immigrants de Saint-Domingue qui avaient développé cette culture-là. Qui l'amène partout aux États-Unis dans le Sud, là, pas juste à la Nouvelle-Orléans, mais aussi les journaux. Donc, on a en particulier un journal qui s'appelle L'Abeille, qui est le grand journal dans les années 1830, 40, 50, qui va être bilingue, mais la partie la plus importante, c'est la partie française. On a les nouvelles françaises d'Europe qui sont dans les journaux. Puis, à partir des années 30, on voit émerger une littérature créole, donc produite en Louisiane, avec des préoccupations créoles. Et ce qui est assez extraordinaire dans cette littérature-là, c'est qu'elle est produite par des Blancs, qui sont les dominants, mais aussi des créoles de couleur, donc des gens libres de couleur, mais qui vont écrire notamment beaucoup de poésie. Bon, c'est beaucoup autour de l'amour, hein, le thème de l'amour est très important, mais on développe une culture, c'est des centaines d'auteurs qui participent à cette culture d'imprimer-là en Louisiane. Et puis, ça va être tellement riche que la culture française qui vient de la Nouvelle-Orléans va rayonner partout en Amérique et entre autres à Montréal. Écoutez l'extrait qui suit, c'est assez fascinant. Bernard Lavoie de l'Université de la Louisiane, toujours de cette série Histoire de parler en 2000, qui nous donne l'exemple de l'opéra. À la Nouvelle-Orléans, il y a eu longtemps la seule troupe d'opéra française permanente d'Amérique. Et c'était une troupe qui était constituée très majoritairement d'artistes venus de France, d'autres de Belgique, mais majoritairement donc des artistes venus de France. Et ces artistes-là, à partir de 1889, ont été engagés par les propriétaires du Parc Summer de Montréal pour venir donner des saisons d'été ici à Montréal. Alors c'est une scène d'été, ils chantaient des actes d'opéra, des choses comme ça. Et ils ont fait ça pendant quelques années, ils ont eu énormément de succès. Alors vous voyez, l'été, ils venaient ici à Montréal au Parc Summer, et l'hiver, ils retournaient en Louisiane, en Nouvelle-Orléans, faire leur saison régulière. Et leur succès a été tel qu'en 1893, des entrepreneurs de spectacle canadiens-français de Montréal ont décidé de les garder pour l'année. Et ça a été le début d'une période assez extraordinaire qui était la période du théâtre de l'Opéra français de Montréal. Ils ont occupé le théâtre français qui est l'actuelle discothèque Métropolis pendant 3 ans, donc de 93 à 96. Et c'était une... Alors, avec nos yeux d'aujourd'hui, Maryse Bachand, c'est assez extraordinaire. Au fond, on dirait, avec le regard qu'on a aujourd'hui, c'est le monde à l'envers. Oui, tout à fait. Mais elle était connue, hein, le dynamisme de la Nouvelle-Orléans, il était connu. On pense à Honoré Beaugrand, la biographie qui a été faite récemment par Jean-Philippe Warren, où il nous raconte le passage de ce grand écrivain québécois à la Louisiane parce qu'il est allé puiser aux sources de cette culture dynamique francophone. Tout à fait. Je reviens à l'extrait, Maryse Bachand, qu'on entendait au tout début de l'émission, cette colère de Warren Perrin. On peut la comprendre, au fond, cet oubli, bon, d'abord l'assimilation, mais l'oubli de la force qu'a eu la Nouvelle-Orléans sur le plan du rayonnement de la culture et de la langue française. C'est vrai que ça a été oublié. Même au Québec, on est ignorant de ça. Comment vous expliquez ce trou de mémoire assez fabuleux? On frise l'amnésie, là. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on oublie ça? Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on veut oublier qu'ils ont été assimilés. On aime se souvenir, et ça depuis les années, c'est assez récent quand même, les années 1950-1960, qui ont volontairement embrassé l'américanisation, quand dans les faits, il y a eu une résistance à cette assimilation de la Grande République. Parce que c'est pas des gens, la majorité des francophones, au départ, ils sont pas venus à la Louisiane, ils étaient à la Louisiane. Et ce sont les Américains qui les ont achetés, comme n'importe quelle autre autorité coloniale de l'époque. Et les historiens qui écrivaient cette histoire de résistance-là, ils sont morts. Et quand ils sont morts, ceux qui sont venus après ont décidé de mettre l'accent sur d'autres thèmes qui sont très importants, comme la question raciale, qui est très, très importante dans l'histoire de la Louisiane, mais en considérant que les batailles linguistiques, c'était pas important à ce récit-là. Et de notre point de vue, de francophones d'Amérique, c'est l'histoire d'une défaite qu'on voulait pas trop creuser non plus, finalement. Bien, en fait, le seul historien qui a écrit là-dessus, c'est un littéraire qui est à l'Université de Montréal, Reginald Hamel. C'est le seul qui a écrit et qui a découvert plusieurs faits, en fait, et qu'aujourd'hui, on lui reconnaît la paternité de ces découvertes-là. Par exemple, durant la guerre civile qu'on va interdire le français dans les écoles publiques de la Nouvelle-Orléans. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement de reconstruction, donc ceux qui sont là pour s'assurer que la Louisiane va mettre fin à l'esclavage. Et ce gouvernement-là, c'est des gens du Nord qui ne se soucient pas du tout de la question francophone, qui viennent dans le Sud pour émanciper les esclaves et qui vont décider que l'élite esclavagiste qui parle français, on doit la remettre à sa place. Et donc, on va imposer dans les écoles publiques l'anglais. Dans les campagnes, ça va arriver plus tard, dans les années 1918, et c'est pour ça que les Cajuns vont parler beaucoup plus longtemps, mais dans chaque année, dans les journaux, on les retrouve au Québec, hein, ce récit-là de ces anciens qui se rappellent quand ils étaient enfants, comment on leur interdisait ce français, la souffrance qui venait avec ça. Bon, Zachary Richard nous la rappelle souvent. Mais il y a eu une résistance réelle. On le voit dès 1804, là, on a un bal, et puis... La question, c'est est-ce qu'on joue un quadrille anglais ou un quadrille français? Puis, quand le quadrille anglais commence à jouer, il y a quelqu'un qui dit, bon, on arrête, là, nous, on danse le quadrille français. C'est pas vrai qu'on va se mettre à passer à l'autre groupe. Parce que l'achat de la Louisiane par les États-Unis, c'est 1803. Donc, très vite, une année plus tard, il y aura des tensions, là. Tout de suite. En fait, c'est tout de suite parce que ça, c'est dans le bal d'inauguration où on fait la fête, là, on témoigne du passage de la nouvelle autorité, le temps là, que la nouvelle se rende d'Europe jusqu'aux États-Unis. Ensuite de ça, en 1812, quand la Louisiane devient un État américain, ça se fait avec une entente, un compromis comme quoi la Louisiane va garder le code civil français, qui est toujours en place, hein, mais aussi le droit de parler français dans l'Assemblée constituante. Par la suite... Les groupes, il y a une partie d'élite qui va se mêler très rapidement avec les Américains, mais il y a une partie qui va résister. La petite bourgeoisie, elle va toujours résister, notamment en se mariant entre eux. Puis on a des auteurs qui vont faire la promotion, notamment du mariage avec un créole comme étant un acte patriotique. On va entendre justement un extrait là-dessus, puis c'est intéressant, on va y revenir après, mais là, cette petite bourgeoisie française dont vous parlez, c'est la petite bourgeoisie créole. C'est absolument, bien important. Absolument. Mais qui va résister effectivement en se mariant entre elles. Extrait donc de cette série de Daniel René en 2000, c'est Courtney Sarpy qu'on entend. Les créoles restaient entre eux. Ils épousaient des créoles. Et il y avait même interdiction, à un moment donné, d'épouser des Américains, ceux qui habitaient, par exemple, ce que nous appelons maintenant le Garden District. C'était le secteur américain. Et ensemble, la rue Canal Street était la frontière entre le Vieux-Carré, la rue Esplanade et le secteur américain. Donc, résistance, Maryse Bachand, mais chez les créoles d'abord, puis ensuite, évidemment, le rouleau compresseur de l'américanisation, de l'assimilation va quand même faire son œuvre. Mais un mot là-dessus, parce qu'on mélange tout souvent, Cajun, créole, on parle pas du tout, ce ne sont pas les mêmes francophones. Non, c'est ça, c'est deux groupes. Hein. Les Cajuns, les Acadiens, ceux qui aujourd'hui parlent encore français en Louisiane, en particulier, ce qu'on voit, nous, ça, c'est nos déportés de Nouvelle-Écosse qui sont partis, qui ont été déportés un peu partout le long de la côte est américaine et qui ont choisi de s'installer en Louisiane par la suite à l'invitation des Espagnols qui, pendant un temps, ont colonisé la Louisiane et la Nouvelle-Orléans. Mais les créoles, eux, c'est ceux qui ont été au départ, qui ont choisi, qui ont colonisé, qui ont fondé la ville et qui sont restés qui là par déjà. La suite. Oui, c'est ça. C'est grand, c'est riche propriétaire, entre autres. Là. Oui, de plantations et qu'on visite encore aujourd'hui. C'est des plantations avec des noms francophones. C'était propriété de ces gens-là. Et ces gens-là passaient la moitié de l'année à la ville. Et quand c'était trop chaud, comme notre opéra qui venait l'été à Montréal, nos gens restaient pas en ville. C'était insupportable. Ils allaient dans les campagnes ou ils allaient au nord. Mais l'américanisation aussi fait, c'est clair qu'il y a des mélanges qui vont se faire entre les individus par choix, parce qu'on tombe amoureux, mais aussi parce que à un moment donné, après la guerre civile, hein, il y a le Sud en entier connaît une période d'effondrement économique. C'est la fin de l'esclavage. C'est un système économique au complet à refonder. Et à ce moment-là, les créoles perdent leur pouvoir économique et doivent, malgré eux, prendre un nouveau virage. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils choisissent leur race par-dessus leur langue, parce qu'on va... Il y avait une alliance entre les blancs, les créoles de couleur aussi, les créoles blancs, les créoles de couleur. Mais après la guerre civile, ceux qui étaient autrefois nos alliés vont devenir nos ennemis, parce que la race va devenir l'élément séparateur dans le Sud plus que la langue. Et par conséquent, ça va devenir l'élément diviseur. Et donc, on va s'américaniser en partie pour protéger son identité raciale. C'est vraiment le point tournant, ça, la guerre civile de 1861? Absolument. Il y avait un déclin qui avait commencé, un déclin relatif, dans le sens que les créoles, les francophones ont augmenté en nombre démographique, moins que les anglophones. Leur croissance était moins grande, mais ils continuaient à augmenter en nombre, tandis qu'après la guerre, on voit vraiment un déclin démographique des francophones. Il y aura, pour revenir au quartier français, qui est aujourd'hui un peu le symbole hein, de cette vie française d'autrefois, il y aura aussi au 19e, 20e siècle, c'est une petite parenthèse, ça vaut la peine quand même de le signaler, vraiment une entreprise de la part des autorités de s'attaquer. À ce secteur-là, de nettoyer un peu. Puis là, on revient au côté un petit peu libertin de la Nouvelle-Orléans, ville ouverte, multiculturelle, il y avait de la prostitution. On va s'attaquer à ça sciemment à partir de la fin du 19e, début 20e siècle. Belle. La Nouvelle-Orléans avait déjà le titre avant la guerre civile de la Grande Babylone du Sud, c'est le terme. Après la guerre, ça devient encore plus une ville de prostitution avec un très grand red light district, mm-hmm. très important. Et éventuellement, ce qu'on va voir, c'est le potentiel touristique dans le sud qui était très religieux, c'est une région très religieuse, de cette ville avec un héritage complexe, dont francophones qui sont plus considérés comme étant catholiques, plus permissifs que les protestants. Et donc, on va voir là une opportunité de développer un tourisme sexuel, mais aussi de fêtes, de plaisir autour de cette ville-là. Et ce sera une ville qui va être adoptée par de nombreux très grands écrivains du Sud largement, mais des États-Unis en entier, mm-hmm. notamment Tennessee Williams, William Faulkner, bon, qui vont apparaître plus dans les années 1920. Mais c'est suite à ce nettoyage-là un peu du quartier français qui se met en place que là, on va, ça va devenir la Big Easy, hein, la ville où on va avoir du fun, finalement. La Big Easy, l'expression est belle. Maryse Bachand, aujourd'hui, il en reste quoi de cet héritage français à la Nouvelle-Orléans? Il y a d'énormes efforts. Hein. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville qui a très peu... grossi. C'est une ville qui vivote autour de 350 000 habitants, peut-être aujourd'hui. C'est donc pas une ville qui a pris de l'expansion. C'est une ville un peu... C'est une ville musée, mm-hmm. la Nouvelle-Orléans, même s'il y a des gens qui habitent, qui aiment cette ville-là profondément. Les gens sont très attachés à leur patrimoine et à leur patrimoine français. C'est de multiples musées, un effort de relancer le français. Beaucoup plus important dans les régions acadiennes, qui est très présent dans les paroisses acadiennes, même une nouvelle loi sur l'affichage. À la Nouvelle-Orléans, c'est moins présent, ça demeure une ville plus américaine, mais on est en train de redécouvrir la richesse du fait français à la Nouvelle-Orléans. Puis notamment, il y a des ouvrages récents là, où on met de l'avant la riche littérature créole pour montrer qu'il y avait vraiment un mouvement de fond qu'on doit connaître, qu'on doit enseigner. Et ça, c'est nouveau. Parce que c'est cyclique. Il y a eu des périodes, tu vois, fin des années 70, c'était pas très bon, mais là, il y a comme un renouveau. Là, on se retourne vers cette affaire-là, ce fait français. Oui, c'est sûr qu'il y avait au départ une impulsion touristique. Il y a une dépression économique dans les années 80, notamment dans le pétrole, qui était un important moteur en Louisiane. Il y a eu une dépression, puis on a voulu développer des nouveaux secteurs. Le tourisme est devenu un élément important. Mais très rapidement, les gens ont tous cet héritage francophone. On rencontre des gens partout à la Nouvelle-Orléans. Et leurs parents, leurs grands-parents parlaient français. Je suis un créole, I'm a creole. Les gens vont nous dire ça. Puis là, on dit, parlez-vous français? Mais pas du tout. Mais c'est dans leur famille, dans leur histoire. Et il y a une volonté de le découvrir. Donc, c'est, à mon avis, il y a un renouveau qui est à suivre en Louisiane, très certainement. Maryse Bachand, professeure d'histoire américaine à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp, la réalisation de l'émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Michel Saint-Pierre. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.